Tiens, je cite mal. Celui-là, tu l'as? Je crois que c'est 19, non? Oui, oui. Oui. Voir comment c'est dit là. Non, non, ça c'est après, c'est avant, oui. Comment? Oui, alors. Vous l'avez? Non, attendez, j'y suis pas, je vais prendre mes lunettes, ma Bible. Excusez-moi là, un instant. Acte. Oui, oui, allez-y. Voilà. Alors, voilà ce qui se passe. L'apôtre Paul enseigne à Éphèse, il établit l'église à Éphèse, et de ce fait, l'évangile se répand à Pergame, à Sardes, à Thyatire, à Philadelphie, à Laodicée, à Colosse, à Hiérapolis et à Smyrne. Et de là, l'évangile se répand de ses bases, se répand à l'intérieur du pays, de cette province d'Asie. Il ne s'agit pas de l'Asie du continent, là, il s'agit de la province romaine, administrative d'Asie. Et c'est comme si l'évangile fait tache d'huile. Vous voyez ce que je veux dire? Et le principe ici, que c'est chaque église, c'est celui-ci, chaque église qui atteint maturité, stabilité et suffisance de soi, chaque église a la responsabilité d'établir une autre église là où personne d'autre fait l'œuvre qui devrait être faite. Et chaque fois, il y a là des chrétiens qui se lient avec, en amitié avec des non-chrétiens et qui impactent, qui exercent un impact sur leur vie pour l'évangile. Bon, juste là, ces trois méthodes, moi je dis que si l'Église les avait pratiquées, avait continué à les pratiquer, parce que c'est ce qui se faisait pendant les trois ou quatre premiers siècles, avait continué à les pratiquer, il y a longtemps que les nations seraient devenues des disciples. Et mon impression qu'il n'est pas trop tard pour faire les choses comme elles devraient être faites. Et enfin, il y a la dernière méthode, et ça, c'est la méthode classique missionnaire, représentée par l'apôtre Paul, là où il n'y a pas d'église, c'est d'envoyer une équipe, c'est ce qu'il faisait, il allait ou il envoyait une équipe sur place, qui s'intégrait à la culture, qui trouvait un point de contact avec cette culture, et d'une manière aussi naturelle que possible, présenter l'Évangile, faire quelques disciples qui témoignent à d'autres gens, et ainsi s'établit une nouvelle Église qui, elle aussi, va faire tache d'huile. Oui, dans un sens, avec nos méthodes d'évangélisation qui ne mènent à rien, on se donne du mal, on se donne beaucoup plus de mal qu'on devrait, avec des piètres résultats. Et d'autre part, cette poursuite de méthodes stériles, nous empêche, dans un sens, de faire les choses comme elles devraient être d'après les méthodes bibliques, c'est-à-dire d'abord s'attacher à ce que l'Église devienne communauté authentique et qu'elle ait son rayonnement. Ensuite, encourager nos ouailles à établir des liens avec des non-chrétiens que le Saint-Esprit peut exploiter à bon escient. Troisièmement, demander aux églises de devenir assez fortes pour pouvoir établir d'autres églises. Et enfin, établir des églises au loin, là où il n'y a personne, il n'y a pas de témoignage jusqu'alors. D'accord? D'accord pour le faire? Pour passer à l'action? Bon, on a quelques instants avant de nous disperser pour dialoguer ensemble. Oui, vous avez quelque chose à contribuer? En passant, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait, ce que nous avez donné. Merci. On est de plus en plus sensibilisé au fait que l'Église, c'est sûr que si elle ne va pas vers l'extérieur, je pense qu'elle va devenir une communauté mourante, et je pense que c'est un petit peu partout ce qu'on ressent dans les églises évangéliques, là, je ne dirais pas depuis une génération, mais depuis une quinzaine d'années peut-être. De quelle manière l'Église où vous êtes, ou ce que vous en savez maintenant, de quelle manière les communautés s'intègrent, pourraient s'intégrer à leur environnement pour être un témoignage encore plus substantiel, je dirais, et dans quelle proportion une Église doit intégrer sa communauté? Pour une Église de ne pas tomber dans le piège du compromis avec la culture ambiante, pour atteindre la culture ambiante. Il faut que l'Église ait sa distinction de par sa vocation spéciale. Toutefois, le seul scandale que l'Église doit offrir au monde, c'est le scandale de la croix. Ce n'est pas le scandale de notre bêtise qui très souvent fait obstruction à l'acceptation de l'Évangile par les non-chrétiens. Et là, je fais allusion à nos traditions désuètes qui n'ont rien à faire avec l'Évangile. On s'attaque à l'Église romaine à cause de leurs traditions et nos traditions à nous, dans lesquelles nous sommes tellement empêtrés qu'on ne les reconnaît même pas. Que faire? Eh bien, que faire? J'en reviens toujours à ça, c'est redéfinir bibliquement ce qu'est l'Église. Bon, bien, chacun a sa manière de lire la Bible, bien sûr, je reconnais ça, mais quand même, il y a un noyau, il y a un centre que nous devrions tous reconnaître, et celui, le centre, c'est Jésus-Christ qui est mort pour le salut des hommes et des femmes qu'il veut intégrer dans la communauté éternelle. Il n'y a pas à tergiverser. Alors, quand on part de là, bien, il me semble que la voie est plus facile. Plutôt que d'être empêtré dans un fatras de de tradition dont on ne reconnaît plus la source nous-mêmes, souvent. Je ne sais pas, qui a posé la question, là? Je peux voir. Oui, oui, alors vous vous attendiez à ce que je dise autre chose, peut-être? Oui. Moi, je crois que c'est une erreur pour une communauté locale d'essayer d'imiter ce qui se passe dans une autre communauté. Je crois que chaque communauté doit être ouverte pour apprendre d'autres endroits. Mais chaque communauté a sa vocation propre. Pourquoi ? Parce que chaque localité a sa définition à elle. Et pour pouvoir atteindre sa localité, c'est-à-dire sa région, la communauté où elle est insérée doit pouvoir se rendre pertinente à cette situation culturelle. Sinon, ce n'est pas la peine, on a perdu le contact. Donc, chaque communauté chrétienne doit trouver sa voie. Mais selon les principes de base de la Bible. Donc il y a là une certaine unité, il y a une conformité, une similarité, mais en même temps, il y a beaucoup de place pour des différences d'approche, pas du message, mais du packaging, de la présentation. D'accord? Justement, permettez-moi juste de revenir un peu sur justement la présentation. C'est que vous avez mentionné ce matin que la réconciliation de l'homme envers Dieu n'est pas une finalité. Et ça, pour moi, c'est une phrase qui était percutante. De plus, vous avez mentionné que le but ultime de Jésus dans son ministère était de réhabiliter les intentions originelles de Dieu, soit de créer une communauté. Partant de là, le message qui dit qu'il faut prendre une décision, qui est important de rétablir notre relation personnelle avec Dieu, de se réconcilier avec Dieu pour être sauvé, risque-t-elle d'amener que la dimension verticale de la croix quand on parle aux gens de l'extérieur, et à savoir de ne miser que sur une expérience personnelle en excluant le but ultime de Dieu qui est de servir ou en fait d'être au sein de la communauté. Et ce que je m'aperçois, c'est que la dimension de la communauté dans le message qu'on a auprès des gens est souvent la communauté qui se met au service du croyant qui rentre ici. Et on lui dit, viens dans la communauté parce que tu vas grandir. Et on le met en attitude de réception plutôt que de se donner dans la communauté, de servir. On dit, la communauté devient un outil pour toi. Ce qui fait que dès le moment qu'il a l'occasion, qu'il pense qu'il peut grandir seul, que là, il peut lire sa Bible tout seul, il part croyant que la communauté va continuer. Alors, ma question est celle-ci, le but ultime du message devrait-il être l'union ou la réconciliation? Restez là. Qu'est-ce que vous croyez que je vais dire? Je ne tente pas de nous mettre en boîte dans ça, parce que je sais juste que je crois qu'il est important qu'on se pose la question comme chrétien. On a tous le même intérêt, c'est d'en amener d'autres à l'Évangile, c'est clair. Mais ultimement, est-ce que c'est d'amener les gens à bénéficier du privilège que représente la communauté et de dire que pour en bénéficier, il y a un incontournable qui s'appelle la croix? Pour moi, le message est différent que de dire « si tu ne crois pas, tu es perdu ». Puis si tu crois, tu es réconcilié avec Dieu. Le message est beaucoup plus large dans la perception de ce que nous avez apporté, selon ma perception. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait un premier temps et puis un deuxième temps, qu'il y aurait d'abord la nécessité de présenter la dimension verticale afin d'introduire les gens? Oui, dans le sens que pour moi, elle est incontournable, c'est clair, j'y crois profondément. Sauf que la dimension sur laquelle nous basons toute la démarche, et d'ultimement amener la personne à la communauté. Parce que c'est ça le but ultime. L'intention originelle de Dieu, si je reprends le propos de ce matin, c'est de créer une communauté. Oui. Et, alors, hélas, le message doit nécessairement, ça doit passer par là. Hélas, nous commençons, comme il se doit, très légitimement, avec le message de la réconciliation avec Dieu, mais nous en restons là. Il y a même des gens qui sont depuis 50 ans dans nos églises, c'est tout ce qu'ils entendent, et il n'y a pas le sens de la communauté, il n'y a pas la présentation. Donc le prétexte de la proclamation n'est pas juste de dire à l'homme de se réconcilier avec Dieu, le prétexte ultime de la réconciliation, c'est d'amener l'homme dans la communauté. Voilà, ultime, ça c'est le motif, ultime, c'est le motif, oui. Et l'outil, c'est de se réconcilier avec c'est Dieu. C'est la motivation, voilà. Mais certainement qu'il faut commencer avec la réconciliation avec Dieu, mais il ne faut pas en rester là. D'ailleurs, avec les méthodes d'évangélisation qui sont préconisées dans le Nouveau Testament, vous remarquez qu'elles commencent toutes avec la réalité de la communauté. Ce n'est pas quelqu'un qui se met là et qui lance un message dans le vide au sujet de la réconciliation avec Dieu. Il y a l'évidence de la réconciliation avec mon prochain dans le message, dans l'impact de la communauté. Première méthode, dans les liens que nous créons avec les non-chrétiens en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Il y a là encore une expression communautaire, etc. Donc, je crois que l'évangélisation véritable est le fruit de l'extension de la communauté vers les autres. Mais elle doit passer certainement par le message du salut individuel, et puis ensuite aller au-delà avec le message avec la réalité de l'incorporation des néophytes, des nouveaux chrétiens, dans la communauté chrétienne. Merci. Je fais un témoignage de vie, on peut dire. Mon mari et moi, on a eu le privilège de mettre cette méthode en pratique et de l'avoir marché en Afrique il y a 30 ans, à Cotonou, au Bénin. Nous sommes arrivés dans une ville qu'on connaissait personne, une ville de 500 000 habitants, et notre vision était d'établir une œuvre parmi l'élite et les gens éduqués de la ville. Et je me souviens, on n'avait aucun contact, rien, sauf mon mari avait dit « on va prendre le livre des actes ». Il n'y avait pas eu de modèle, même de notre mission, personne n'avait travaillé dans les villes en français. Et on a juste suivi le livre des Actes des Apôtres et certainement tout l'enseignement que nous avons reçu dans notre école. Et vraiment, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait par un petit commencement, ces méthodes que nous avons mises en pratique d'amitié, de partage de la parole, et les amis amènent les amis. Aujourd'hui, à Cotonou, il y a 30 églises et plein de postes d'évangélisation. Et c'est une église en effervescence, la tribu fond, qui sont des millions, sont atteints juste par un début. Et je vous dis que ça marche. Merci. Pour retourner à la troisième session, vous avez parlé de l'église à Éphèse qui était sous la loi martiale et les restrictions sur le leadership, le choix du leadership. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que ces restrictions sont prescriptives ou descriptives? Ça veut dire, est-ce que si nous sommes dans une situation de crise, il faut suivre les mêmes consignes ou est-ce qu'on crée nos propres consignes? Et deuxièmement, est-ce que vous croyez qu'il y a des caractéristiques ou les qualités spirituelles et morales pour le choix de leadership dans une église normative? Très bien. Certainement que les mesures qui sont indiquées pour pallier aux problèmes des églises auxquelles sont adressées la première à Timothée et l'épître de Tite sont des mesures d'exception. On applique ces mesures à des églises bien portantes, elles crèvent. Donc, il y a là des mesures prescriptives qui sont à utiliser dans des conditions précises, pour des circonstances bien définies. En ce qui concerne les qualité exigée des dirigeants dans ces deux épîtres, lorsque vous les regardez de près, elles ne sont pas très différentes de ce que la Bible enseigne en ce qui concerne quelle doit être la vie spirituelle de chaque chrétien. Il s'agit là vraiment de la mise en pratique de ce que l'Épître aux Galates appelle le fruit de l'esprit. Essentiellement des qualités relationnelles qui devraient être exigées pour chaque chrétien, mais certainement pour ceux qui dirigent les églises, surtout en situation de crise. En ce qui concerne l'impératif du mariage et puis d'avoir des enfants et tout ça, le principe est à retenir. Quel est le principe? En situation de difficulté spécialement, il est très important de mettre à la tête de l'Église ceux qui ont fait preuve d'habilité dans le sens de la gérance, du management, qui ont ces qualités. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de réhabiliter la vie de l'Église, de prendre les choses en main. Pour Éphèse, il s'agissait d'hommes qui étaient mariés, qui avaient des enfants, qui étaient obéissants et convertis, etc. Aujourd'hui, les critères, le principe est valable, les critères peuvent être différents. Une telle personne serait, il est très possible qu'une telle personne soit incapable de venir en aide à des églises en difficulté. Donc, il faut retenir le principe des personnes les mieux qualifiées pour venir au secours de l'Église et se rendre compte qu'il ne s'agit peut-être pas de notre temps de mariage et de statut familial. D'accord? On vous a épuisé, bien avant de terminer, je voudrais vous dire, oui? Ah, s'il s'agit des femmes, oui, allez, venez. Passez-toi. Et mes sœurs, il faudrait que vous m'en vouliez après, enfin. Ça a l'air d'être grave, ça. J'aimerais que vous me disiez si, à votre église, il y a des femmes pasteurs. Si je comprends le principe que vous nous avez enseigné tantôt. D'abord, dans notre église, on n'a pas ce que vous appelez la consécration ou bien l'ordination. Dieu merci, on ne sait pas ce que c'est. Parce que moi, je dis que ce n'est pas dans le Nouveau Testament. L'imposition des mains dans le Nouveau Testament, c'était pour communiquer un don. Ce n'était pas pour reconnaître le don ou bien le ministère. Donc, il s'agit de deux choses tout à fait différentes. Et moi, quand je lis le Nouveau Testament, j'apprends que tous les chrétiens sont consacrés au ministère, pas seulement certains. Et de la part de Dieu, tous les chrétiens sont ordonnés au ministère. Donc, nous n'avons pas le problème de faire cette distinction entre clergé et laïcité. Nous sommes tous engagés au même titre sur la base des charismes dans l'œuvre de Dieu. Ce qui fait que si le charisme d'une femme, c'est de pouvoir enseigner, à moins que nous tombions dans une situation de crise comme celle-là, où cette femme en question n'a pas le don de la gérance des affaires de l'Église en situation de crise. Donc, si son charisme est d'enseigner, qu'elle enseigne. Et en effet, nous avons six ou sept pasteurs, dont deux ou trois femmes, qui enseignent régulièrement. Je vous choque, hein? Non, j'aime ça, la façon que vous l'avez dit, on a 6 pasteurs et on a 7 pasteurs et 3 femmes qui enseignent. Je crois, oui, oui. Enfin, ça change ça, parce qu'il y en a qui vont, qui viennent. C'est pas à fait une distinction entre les deux ordres, est-ce qu'on doit, non? OK. Non, non, non, parmi les pasteurs enseignants, il y a trois okay. femmes, deux, trois femmes. Et je crois que certains d'entre vous ont entendu, par exemple, la Nancy Beach, je crois que c'est un des meilleurs prédicateurs et que le Seigneur bénit abondamment dans son ministère. C'est beau. Je sais que ça suscite d'autres questions. Il y en a d'autres qui auraient le goût de poser des questions, mais je pense que M. Béziquin sera disponible pendant qu'on déménage les meubles, d'aller le voir et de continuer la discussion. Merci, M. Béziquin. Oui, je vous en prie. Oui, je vous en prie. Merci. Je voudrais vous dire combien... je sens que mon cœur s'est attaché à vous, vraiment, parce que je sens une intensité ici et puis... Un besoin de réflexion à ces choses-là. Je suis certain que j'ai pas tout dit et je n'ai pas convaincu tout le monde, etc. Mais je sens qu'il y a une certaine recherche de ce qui est fondamental pour la vie de l'Église. Et ça, je m'en réjouis et je vous en remercie. Et j'étais très, très heureux de faire connaissance avec cette partie du continent nord-américain. Nous avons des liens culturels, linguistiques, mais au-delà, je sens qu'il y a des affinités là, et vous allez rester dans mes prières, et je demande au Seigneur qu'il bénisse vos communautés, qu'il vous dirige, et qu'il élargisse vos voies, qu'il vous donne les occasions d'atteindre des milliers et des milliers de gens qui sont sans le Christ maintenant, qui seront intégrés à la communauté éternelle. Merci, au revoir. Merci, M. Béziquin. Avant de partir, peut-être pas trop vite, juste des petites annonces, progresser, à continuer la réflexion. Publie certains ouvrages. Il y en a un sur les groupes de quartier, sur les small groups, pour aider à mettre en place, donc c'est des principes qui sont communiqués au travers. Il y en a un autre qui est « How to change your church without killing it ». Donc, encore là, il y a des principes qui sont communiqués là, comment entreprendre un changement dans l'Église. Puis il y en a un autre qui s'appelle « Becoming a contagious church ». Et celui-là, c'est devenir une église contagieuse. On l'a traduit depuis les 5-6 derniers mois. Là, je m'adresse aux leaders confessionnels. S'il y en a qui sont intéressés à regarder le contenu de ça, venez me voir, ça me fait plaisir de regarder avec vous autres le contenu de ça. On l'a traduit et adapté localement, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose pour être publié, mais c'est pour notre propre utilité. Et je pense que ça peut être utile. Avant de terminer aussi... La conférence a été enregistrée. S'il y en a qui désirent les cassettes, allez voir Marco, le gars en arrière, habillé en noir. Vous pouvez commander vos cassettes là-bas, ça va vous être envoyé par la poste. J'aimerais aussi dire des gros merci à plusieurs personnes qui ont contribué. Il y a Sindra et Richard qui ont fait tout pour la bouffe, l'organisation. Et si ça vient rouler, c'est en partie à grâce à eux autres. Donc, il y a aussi Daniel La Jeunesse et Marie-France qui étaient à la réception pour vous accueillir. Il y a Marco qui était à l'enregistrement avec aussi d'autres personnes au son. Merci beaucoup, beaucoup. Les gens qui ont servi, il faut les célébrer aussi. Merci à l'Église, à l'Église Jésus. Il y a une petite annonce qui va être faite ici. Daniel, si tu veux venir. Rapidement, je pense qu'on peut remercier Patrice, hein, parce qu'il y a... Patrice. Alors, moi, je suis pasteur consacré, on m'a imposé les mains. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi maintenant. Nous avons besoin quand même de communiquer l'Évangile et nous avons besoin d'être capables de le communiquer d'une manière très claire. Et comme M. Béziquin le disait, très souvent, tu ne veux certainement pas que les chrétiens évangélisent les inconvertis, tellement ils font ça tout croche. Hein? Alors, on peut aussi les équiper, par exemple. On peut les équiper à faire ça mieux. Et il va y avoir une clinique du 17 au 22 mai, c'est une clinique d'évangélisation explosive, qui cherche à former des formateurs pour donner cette formation évangélisation explosive. Vous pouvez vous inscrire auprès de Michel Leclerc au 450-441-0223, 441-0223, Michel Leclerc, qui est responsable de l'évangélisation explosive. Donc, du 17 au 22 mai, ça coûte autour de 350 $ et ça vise de former des formateurs. C'est ici. C'est ici. Oui, allez-y, monsieur. Je me rends compte que certaines des choses que j'ai dites ont profondément troublé certains d'entre vous. sinon tous. Et si certains d'entre vous voudraient continuer un dialogue, si vous avez des reproches à me faire ou bien des commentaires ou des questions à poser, vous pouvez vous adresser à Patrice qui sait comment... qui sait comment me joindre. Oui, c'est ça. Qui sait comment me joindre. Je suis parti pour les deux prochaines semaines. Non. Non, peut-être, alors peut-être que je devrais donner mon... Non, ça va, s'ils peuvent me contacter. Bon, autre chose. Ce modèle-là, deux personnes m'ont demandé si on pouvait trouver ça par écrit. Oui, c'est le livre qu'on vous a montré plus tôt, qui s'appelle « Solitaire ». Comment? Solitaire ou solidaire? Solitaire ou solidaire, oui. Là-bas, vous trouverez en détail tout ce modèle et puis la discussion qui l'accompagne. Merci. Éric va terminer juste par un dernier mot et un mot de prière. Si vous vous rappelez du titre de la conférence, est-ce qu'il y en a qui se souviennent comme ça du titre de la conférence d'aujourd'hui? Exactement. Alors, je pense que c'est formidable. On a entendu des choses qui nous fournissent des pistes de réflexion. Nous sommes les experts sur nos communautés, on l'a entendu aujourd'hui, donc c'est à nous de continuer à dialoguer et à réfléchir. Ceci étant dit, nous voulons aussi dire merci à Willow Creek, à l'Association Willow Creek du Canada, qui a libéré M. Billy Zekian, ou si c'est le contraire, c'est M. Billy Zekian qui a libéré, afin que vous puissiez venir ici aujourd'hui. Alors, nous sommes reconnaissants pour l'appui de l'Association Willow Creek. L'activité d'aujourd'hui est une activité ponctuelle de l'ETHEM. Très bientôt, nous espérons lancer notre site web. Nous allons l'annoncer dans le Vigneron puis dans d'autres moyens de communication. Si vous êtes intéressé à suivre des cours à l'ETHEM, le site web va vous donner toute l'information voulue, à savoir les horaires, qui enseigne et puis la nature des cours. Donc, nous vous demandons d'être attentifs à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et lorsque vous voyez www.ethem.ca, on vous invite à venir nous rendre visite afin d'être au courant de nos activités régulières. Je vais terminer par un mot de prière. Après ça, les hommes, n'oubliez pas l'invitation. Hein? On a dit que... C'est ça. Alors, nous allons ensemble prendre un bref instant. Je vous inviterai à vous lever debout, s'il vous plaît, qu'on puisse confier le reste de cette journée au Seigneur et aussi prier pour la réflexion qui, je pense, débute pour la plupart des communautés qui sont représentées ici. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux pays dans lequel tu nous as placés, pour la liberté que nous avons de nous réunir, de nous rassembler afin d'entendre ta parole. Nous voulons te remercier pour ton serviteur, M. Billy Zekian, que tu nous as envoyé aujourd'hui. Merci pour son enthousiasme, merci pour son efficacité à transmettre l'enseignement que tu avais mis sur son cœur pour nous. Nous voulons te prier pour chacune de nos églises qui sont représentées ici. Seigneur, chacune d'entre nous sommes confrontés à des défis. Peut-être que chacun d'entre nous nous sentons comme coincés dans une impasse. Nous voyons la difficulté de croître, la difficulté de rejoindre la génération qui est autour de nous, cette génération d'incroyants. Nous constatons le peu de succès dans nos efforts de rejoindre le Québec contemporain avec le message de l'Évangile. Puisses-tu nous diriger par ton esprit, diriger chacune de nos églises, chacune de nos communautés, dans nos échanges, dans notre dialogue entre nous, nos réflexions, afin que ce que nous avons entendu aujourd'hui puisse, nous puissions l'utiliser, l'intégrer dans nos propres réflexions et le mettre à profit, afin d'aller de l'avant. Seigneur, puisses-tu faire souffler le vent de ton esprit, puisses-tu renouveler notre énergie, notre motivation, notre joie aussi à te servir, et que ta grâce vraiment puisse se manifester de façon puissante dans la province de Québec, afin que de nombreuses personnes viennent à la connaissance de Jésus-Christ et se joignent à cette nouvelle communauté que tu crées par ton esprit. Alors, bénis-nous tous, protège-nous sur le chemin du retour et puisses-tu continuer à travailler puissamment au milieu de nous. C'est au nom de Jésus et pour sa gloire que nous te prions. Amen.